T'en souviens-tu, l'ami, le jour où on s'est connus? C'était, je crois, un mercredi. On se tapait dessus. T'en souviens-tu, l'ami? Les culottes courtes, c'était pas pour les hommes. Rappelle-toi, mon ami. À cette époque-là, on t'appelait grand homme. T'en souviens-tu, l'ami, cette bande où on s'est retrouvés? Pour nous, il n'y avait jamais de filles. Sur un seul ex, y a pas calqué. T'en souviens-tu, l'ami? Le rasoir, je connaissais pas, je fumais à peine. Rappelle-toi, mon ami. À cette époque-là, on t'appelait grande. Et puis la chance, l'ami, on a fait 12 mois presque en même temps. Les feuilles au frais, le pif rougi, belle, on était toujours dedans. T'en souviens-tu, l'ami? Coulomb, Versailles, on a loupé la bonne. Son ami.